Sainte Bible selon saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 6. Le Seigneur dit à Moïse, « C'est maintenant que tu verras ce que je vais faire à Pharaon. Car par l'effet d'une main puissante, il les laissera aller, et en vertu d'une main forte, il les pressera de sortir de son pays. » Le Seigneur parla encore à Moïse, disant, « Je suis le Seigneur. » qui est apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, en Dieu Tout-Puissant. Mais mon nom Adonai, je ne leur ai pas manifesté. Et j'ai fait alliance avec eux afin de leur donner la terre de Canaan, terre de leur pèlerinage, dans laquelle ils ont été étrangers. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël que les Égyptiens ont opprimés, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, « Je suis le Seigneur qui vous tirerai de la prison des Égyptiens, et vous délivrerai de la servitude, et je vous rachèterai par un bras élevé et de grand jugement, et je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu. Ainsi vous saurez que c'est moi qui suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous aurai tiré de la prison des Égyptiens, et fait entrer dans la terre sur laquelle j'ai levé la main, jurant que je la donnerai à Abraham, à Isaac et à Jacob, car je vous la donnerai en possession, moi le Seigneur. » Moïse raconta donc toutes ces choses aux enfants d'Israël, qui ne l'écoutèrent pas, à cause de l'angoisse de leur esprit et de leur travail très pénible. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, « Entre et parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse sortir les enfants d'Israël de son pays. » Moïse répondit devant le Seigneur, « Voilà que les enfants d'Israël ne m'écoutent pas. Et comment Pharaon m'écoutera-t-il, surtout moi étant incirconcis des lèvres ?» C'est ainsi que le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, et qu'il leur donna ses ordres pour les enfants d'Israël et pour Pharaon, roi d'Égypte, afin qu'ils fissent sortir les enfants d'Israël de la terre d'Égypte. Voici les chefs des maisons selon leur famille. Les fils de Ruben, premier-né d'Israël, Hénoc et Phallou, Hesron et Charmi. C'est là la parenté de Ruben. Les fils de Siméon, Jamuel, Jamin, Ahod, Jakin, Sohar et Saül, fils d'une Cananéenne. C'est là la race de Siméon. Et voici les noms des fils de Lévi selon leur parenté, Gerson, Kehat et Merari. Or les années de la vie de Lévi furent 137 ans. Les fils de Gerson, Lobni et Semei, selon leur parenté. Les fils de Kahat, Amram, Isahar, Hébron et Oziel. Et les années de la vie de Kahat furent 133. Les fils de Merari, Moholi et Moussi. C'est là la parenté de Lévi selon ses familles. Or Amram prit pour femme Jochabed, fille de son oncle paternel, laquelle lui enfanta Aaron et Moïse. Et les années de la vie d'Amram furent 137. Les fils d'Isaar, Coré, Népheg et Zécri. Les fils d'Oziel, Misaël, Elisaphan et Sétri. Or Aaron prit pour femme Élisabeth, fille d'Aminadab, sœur de Naasson, laquelle lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Les fils de Coré, Aser, Elkana et Abiasaph. C'est là la parenté des Corites. Mais Éléazar, fils d'Aaron, prit une femme d'entre les filles de Phutiel, laquelle lui enfanta Phinéès. Ce sont là les chefs des familles lévitiques selon leur parenté. C'est Aaron et Moïse auxquels le Seigneur commanda de retirer les enfants d'Israël de l'Égypte selon leur bande. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il retire les enfants d'Israël de l'Égypte. C'est Moïse et Aaron. Au jour où le Seigneur parla à Moïse dans la terre d'Égypte, et le Seigneur parla à Moïse, disant, « Je suis le Seigneur. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que moi-même je te dis. » Et Moïse répondit devant le Seigneur, « Voici que je suis incirconcis des lèvres. Comment Pharaon m'écoutera-t-il ? » Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite.